Chapitre 5. Le chat de la mère Michel lutte victorieusement contre son ennemi. Les événements que nous avons rapportés dessinèrent nettement la position de nos personnages. Craignant de perdre à la fois un chat bien aimé et les avantages qu'elle ambitionnait, la mère Michel redoubla de vigilance et d'attention. Moumout, sachant désormais à qui il avait affaire, se promit d'éviter le maître d'hôtel, ou de le combattre au besoin des griffes et des dents. Quant au père Lustucru, il suffisait que ses projets eussent été déjoués pour qu'il y persistât avec acharnement. Il voulait maintenant la perte du pauvre et innocent Moumout, non plus seulement par jalousie pour la mère Michel, mais par inimitié contre le chat lui-même. « Oh, comble de l'humiliation !» se disait-il avec chagrin. « Je devrais me cacher, me retirer dans un désert, m'enfoncer dans les entrailles de la terre. Quoi, moi, Jérôme Lustucru, homme mûr, homme de savoir et d'expérience, homme, j'ose le dire, charmant en société, je suis vaincu, bafoué, pris pour dupe par un chat de gouttière. Je le laisse au fond de l'eau et je le retrouve au haut d'une maison. Je veux le séparer de sa gardienne et je contribue à leur réunion. Je mène la mère Michel au grenier pour la mieux torturer, et j'y suis témoin de ses transports de joie. Le chat que je crois mort reparaît pour me braver. Il ne me bravera pas longtemps. » Et le père Lustucru demeura absorbé dans une méditation profonde. Ce jour-là, Moumout n'avait pas encore dîné, et il indiquait, par des miaulements expressifs, qu'il mettrait volontiers quelque chose sous la dent. La mère Michel lui dit aussitôt, car elle parlait comme à un être intelligent, « Patience, monsieur, on va s'occuper de vous. » Elle descendit du salon où elle se tenait habituellement depuis le départ de la comtesse de la Grenouillère, et le chat qui l'accompagnait fut visiblement contrarié en lui voyant prendre le chemin de la chambre de Lustucru. Néanmoins, il y entra avec elle, persuadé que, en présence de cet ami fidèle, le maître d'hôtel n'oserait rien entreprendre contre lui. Au moment où elle frappait à la porte, le père Lustucru venait de prendre sur une planche un papier vert qui portait cette étiquette « Mort au rat ». « Voilà mon affaire », se dit-il en serrant le papier dans sa veste. « Mort au rat doit être aussi de la mort au chat. Notre cher Moumout en fera l'essai. » « Qu'y a-t-il pour votre service, ma bonne dame Michel ?»« Il est 5 heures, monsieur Lustucru, et vous oubliez mon chat. »« Moi, l'oublier !» dit le maître d'hôtel en joignant les mains, comme s'il eût été douloureusement affecté d'un tel soupçon. « Je songeais à lui tout à l'heure. Je vais lui préparer une pâtée si délicieuse qu'il n'en voudra jamais d'autre. »« Merci, monsieur Lustucru. Je rendrai compte à madame la comtesse de vos égards pour son favori. J'ai reçu aujourd'hui même une lettre d'elle. Elle me mande qu'elle reviendra prochainement, qu'elle espère trouver Moumout en bon état et qu'elle me réserve une forte gratification. Vous comprenez ma joie, monsieur Lustucru. Ma sœur est restée veuve avec 4 enfants. Auquel je fais passer chaque année l'argent de mes petites épargnes. Jusqu'à présent, ses secours ont été bien peu de choses, mais grâce au don de madame la comtesse, ses pauvres enfants pourront aller à l'école et apprendre un bon métier. » En prononçant ces paroles, la mère Michel avait les yeux humides et rayonnants de la plus douce joie, celle que l'on goûte à faire ou à méditer de bonnes actions. Pourtant, le maître d'hôtel ne fut pas ému. Il s'était si docilement abandonné à ses mauvaises passions qu'elle le maîtrisait tout entier, s'étendait sur toute son âme, et y avait étouffé par degrés tous les sentiments honnêtes, comme l'ivraie qu'on laisse croître étouffe le bon grain. On aurait dit que Moumout comprenait cet homme. Il s'approcha de la mère Michel, qui s'était assise pour causer un instant, la supplia des yeux et la tira par le bas de sa robe, comme pour lui dire « Allons-nous-en ». « Prends garde, dit la bonne dame, tu vas déchirer ma robe. » Moumout recommença le même manège. « Est-ce que tu voudrais sortir d'ici ? » reprit la mère Michel. Moumout fit plusieurs cabrioles, de l'air le plus affirmatif. « Décidément, ajouta-t-elle, ce chat n'est à son aise que dans le salon. » Elle se leva et se retira, précédée de Moumout qui bondissait de joie. Un quart d'heure après, le maître d'hôtel avait confectionné une pâtée des plus appétissantes, composé de blancs de volaille, de pain de première qualité et d'autres ingrédients justement estimés des gourmets. Après y avoir introduit une dose notable de Morora, il la déposa dans l'antichambre et cria en entr'ouvrant la porte du salon. « Monsieur est servi !» En apercevant ce maître délicat, Moumout eut un frissonnement de plaisir, car, il faut le dire, il était passablement gourmand. Il allongea le museau dans l'assiette et recula tout à coup en faisant le gros dos. Une odeur nauséabonde et infecte lui montait au nez. Il tourna autour de l'assiette, flaira de nouveau et s'éloigna encore. Cet animal plein de sagacité avait senti le poison. « Voilà qui est extraordinaire !» dit la mère Michel. Et après avoir inutilement présenté l'assiette à son chat, elle alla trouver Lustucru pour lui faire part de cet incident. Le maître l'écouta avec une rage concentrée. « Quoi » dit-il, « il a refusé de manger. C'est que, probablement, il n'avait pas faim. » « Je le suppose, monsieur Lustucru, car votre pâté a une mine superbe. Je m'en contenterai moi-même, et j'ai presque envie d'y goûter, pour donner l'exemple à Moumout. » À ces mots, le père Lustucru, malgré son endurcissement, ne put s'empêcher de frémir. Il eut un moment d'horreur dans son crime, et il s'empressa de dire à la bonne femme, « N'en faites rien de grâce !»« Pourquoi cela? Est-ce que cette pâté a quelque chose de malfaisant ?»« Non, sans doute, » balbutia le père Lustucru. « Mais ce qui a été préparé pour un chat ne saurait servir de nourriture à un chrétien. Il faut garder son décorum et ne pas ravaler la dignité de la nature humaine. » La mère Michel se rendit à ce raisonnement et dit avec une espèce de brusquerie, « Eh bien, que Moumout s'arrange. Je ne veux pas me plier à toutes ses fantaisies et je ne lui donnerai pas autre chose. » Le lendemain, la pâté était encore intacte. Le maître d'hôtel avait espéré que, pressé par la faim, le chat se jetterait sur l'aliment empoisonné. Mais Moumout savait souffrir. Il supporta l'abstinence, vécut de bribes de croûte de pain sec, et recula avec terreur toutes les fois que sa gardienne lui présenta le mets fatal, qui demeura enfin oublié dans un coin de l'armoire de l'antichambre. Le père Lustucru, voyant que sa trame n'avait pas réussi, fut plus irrité que jamais. Le désir de se débarrasser de Moumout devint chez lui une idée fixe, une passion, une monomanie. Il en rêvait le jour et la nuit. Chaque lettre pour laquelle Madame de la Grenouillère demandait des nouvelles du chat et réitérait à la mère Michel la promesse d'une récompense, chaque témoignage d'intérêt donné par la comtesse à ses deux protégés aiguillonnait l'aveugle furie de leur ennemi. Il combinait les machinations les plus infernales pour faire périr Moumout sans se compromettre lui-même. Et aucune d'elles ne lui paraissait assez sûre, assez expéditive. Enfin, il s'arrêta à celle-ci. Il y avait dans la chambre de la mère Michel, sur un socle pesant, un buste en marbre de Louis XIV, représenté avec une cuirasse romaine et une perruque entrelacée de lauriers. Derrière ce buste était un œil de bœuf qui donnait sur l'escalier, et juste au-dessous se trouvait le moelleux coussin qui servait de lit à Moumout, que la chute du buste aurait infailliblement assommé, si le buste avait pu s'aviser de tomber tout seul. Un soir, Lustucru se glissa sans bruit dans la chambre de la mère Michel, ouvrit l'œil de bœuf en ayant soin de le laisser entrebâiller, et se retira silencieusement. À minuit, quand tout reposait dans la maison, il prit un de ses longs balais, vulgairement appelé tête de loup. Il se plaça dans l'escalier, vis-à-vis de l'œil de bœuf, appuya fortement le dos contre la rampe, et, à l'aide de sa tête de loup, poussa le buste, qui tomba sur le coussin avec un épouvantable fracas. Le méchant homme avait prévu cet effet de sa manœuvre. C'était pour lui le signal du triomphe et de la mort de Moumout. Cependant, en entendant le buste rouler sourdement sur le parquet, il éprouva une terreur panique et regagna sa chambre d'un pas tremblant. La mère Michel s'était réveillée en sursaut. Elle était dans une obscurité complète et ne pouvait se procurer de la lumière, car on n'avait pas encore inventé les allumettes chimiques allemandes. La surprise et l'effroi lui ôtèrent un instant l'usage de ses facultés. Puis elle cria « Au voleur !» de toute la puissance de ses poumons. Bientôt, toute la maison fut sur pied. Tous les domestiques accoururent pour savoir ce dont il s'agissait. Lustucru entra le dernier, la tête surmontée d'un bonnet de coton, et pour le reste dans le plus simple appareil. « Que s'est-il donc passé ? » demanda-t-il. « Je le vois maintenant, » répliqua la dame de compagnie. « C'est le buste de Louis XIV qui est tombé. » « Ah bah !» dit le père Lustucru en jouant l'étonnement. « Mais en ce cas, votre chat a dû le recevoir sur la tête. » Mais comme il disait ces mots, Moumoute sortit de dessous le lit et s'élança auprès de la mère Michel, comme pour lui demander aide et protection. Lustucru demeura atterré. On sait combien les chats ont le sommeil léger. Moumoute, qui avait l'habitude de ne dormir que d'un œil, s'était levé brusquement en entendant fureter derrière l'œil de bœuf. Comme presque tous les animaux, il était curieux et cherchait à se rendre compte de ce qui l'étonnait. Aussi s'était-il campé au milieu de la chambre pour mieux observer dans quelles intentions une tête de loup s'avançait à cette heure indue et par cette route inusitée. Effrayé par la chute du buste, il avait cherché un refuge au fond de l'alcôve. On donna à la mère Michel un verre d'eau sucrée à la fleur d'oranger pour lui remettre l'essence. On ramassa le grand roi, qui s'était cassé le nez et le menton, et avait perdu dans la bagarre la moitié de sa belle perruque. Puis tout le monde se recoucha. « Encore une fois sauvé !» se dit le père Lustucru. « Il m'échappera donc toujours !» « Je ne pourrais donc pas l'envoyer à la patresse avant le retour de la comtesse. » »« La mère Michel aura sa pension de 1500 livres, tandis que je resterai gros Jean comme devant. Ce pandard de chat se méfie de moi. Tout ce que j'entreprendrai seul échouera contre lui. »« Décidément, il me faut un complice. » »«